Léon me dit alors, je te propose encore une fois Harry Bore qui a brillamment joué ta pièce jazz et qui l'a menée jusqu'à sa première centième. Tu es un grand comédien et très certainement supérieur à ton ami. Mais il faut l'engager dans les 3 jours, sinon il va signer ailleurs. Harry Bore fut l'un des plus grands acteurs de notre temps. Son autorité sur la scène ou sur l'écran était souveraine. Il passait sans effort du drame le plus noir à la comédie bouffe, et il savait son métier aussi bien que l'illustre Lucien Guitry. D'autre part, il avait fait à Marseille une partie de ses études, et son accent était d'un naturel parfait. Cependant, je savais que le public, avant de l'avoir vu sur la scène, regretterait l'absence de Rému, aggravée par celle de Freinet et d'Aïda Rouf. La partie à jouer serait bien difficile, c'était l'avis des machinistes, de la buraliste et de Lehmann. À l'ouverture de la location, quelques jours avant la générale, on ne vit point cette queue qui devait remonter jusqu'au coin de la rue La Bruyère. Seule derrière son guichet, Juliette mordillait son inutile crayon bleu. Les agences théâtrales, dont la confiance assure au moins le départ d'une pièce, les riches agences ne retenaient pas un seul rang de fauteuil, ni même un fauteuil. La veille de la générale, Lehmann m'annonça que 2 places étaient louées pour la première. Il ne décolérait pas. 2 fauteuils loués, disait-il. Pas 3, pas 4, 2. Dans toute ma carrière, dans les pires catastrophes, je n'ai jamais vu ça. Voilà comment ils sont. Ça vient vous pleurer dans le gilet pour réclamer la suite et ça vous laisse tomber froidement. Et pourquoi? Parce qu'on leur a changé 3 acteurs. Ils n'ont même pas la curiosité de voir Monsieur Harry Bore, qui est formidable, ni la pièce de l'auteur, qui est bien mieux que Marius. Enfin, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Le soir de la générale arriva. Volterra avait fait grandement les choses. Les vastes salons du théâtre de Paris étaient tapissés par plus de 100 toiles de Salomon qui n'avaient pas osé se montrer. L'éclairage avait été doublé par les soins de Valentin et il y avait au pied des murs de grandes corbeilles de fleurs de mimosa que les ouvreuses distribuaient aux dames. Les mains étaient sombres. Il n'avait pas eu à refuser, car c'était son jour de souveraineté, la 50aine d'hirondelles de général qui se traînaient d'ordinaire à ses pieds pour obtenir le strapontin auquel elle n'avait pas droit. Une vieille ouvreuse me dit à mi-voix, « Ils n'ont pas l'air très chauds. Ils parlent tous de Rému et de Freinet. » J'allais voir Bore dans sa loge. J'y trouvais notre directeur, qui fumait un cigare et qui me parut non seulement optimiste, mais joyeux. « Tu vas voir, me dit-il, que l'on peut se passer de ton ami. » Bore parachevait son maquillage. Charpin entra rayonnant. « Regardez-le, dit Bore, il sait bien qu'il a le plus beau rôle. » « Oui, dit Charpin gentiment, c'est moi qui ai le plus beau rôle, mais ce n'est pas moi qui ai le plus grand talent. » À la fin du premier acte, la partie semblait gagnée, et nos espions de l'entracte vinrent nous rapporter les propos rassurants qu'ils avaient entendus dans les salons. Harry Bore avait un grand succès personnel, et Milly Matisse, dans la dernière scène de l'acte, avait conquis toute la salle par sa verdeur spontanée et la fraîcheur d'une voix éclatante. Le second acte fut coupé plusieurs fois par les applaudissements. Et lorsqu'Oran de Mazis, entre Harry Bore et Charpin, revint saluer le public, des centaines de bouquets de mimosa tombèrent sur la scène, et la représentation fut un très grand succès. Lehmann, tour à Gaillardi, me dit, « Je crois que nous sommes sauvés, mais il faut attendre la critique. Les comptes rendus ne paraîtront qu'après-demain, et la location va démarrer l'après-midi. » Nous allâmes souper en pleine euphorie.